Va falloir me le refaire. Hein, parce que... Thank you. cette chanson. Mais c'est joli, tu sais, j'aimerais bien apprendre. Jouer la mélodie, s'il te plaît, ou me faire écouter l'original. Thank you. Pas mal le petit solo là. Bon, qui c'est qui peut me la faire écouter ?